J'ai pas l'intention de retrousser mes manches, mais aujourd'hui j'ai le syndrome de la page blanche. En plein dans ma tête comme une avalanche, en pleine journée comme quand l'alarme déclenche. Je vais peut-être pas le pouvoir comme la maison blanche, et comme ben du monde j'aime pas les dimanches. Dans vie comme dans la forêt je m'enfarge des branches. Parfois je pense pas avoir forcé la bonne clanche. Écrire des bons textes souvent j'y songe. C'est rare que j'ai plus de batterie, pas besoin de rallonge. Je suis souvent besoin de serviette éponge. Dans vie tous les jours il faut que je plonge. Mon compte en banque n'est pas encore fait de bronze. J'rippe sur l'argent depuis que j'ai moins de 11. Toute la journée je souhaite que je m'allonge pour admirer tous ces putains de mensonges. Mon cœur à moi c'est comme une grosse bombe. Toujours pas de finir dans les catacombes. Toujours souhaiter de mon mal que je succombe, pour que je puisse en finir en peine en tombe. Jamais je ne souhaite de ces vies vagabondes, de l'espace-temps m'envoyer une sonde, pour que mes fleurs intérieures se fécondent, et que peu importe j'ai le sourire de la Joconde. Tu penses que je peux pas sortir le mousqueton, qu'à tuer de moi j'ai juste des rataillons. Je ne serai plus jamais le gentil chaton. Comme en a tout le monde se cache un fou au fond. J'ai envie de commencer à monter le ton. Car dans l'alcool, j'ai pas tous mes jetons. Les gens haineux, moi et ma gang les assassineront. Et tous crèveront dans le même tourbillon.